الحمد لله الحمد لله رب العالمين La louange est à Dieu, Seigneur des univers. والصلاة والسلام على أمير الأنبياء وإمام المرسلين. Et que les prières et les salutations soient sur l'émir des prophètes et l'imam des envoyés. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله الصادق الأمين. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. أيها الإخوة والأخوات في الدين, mes frères, mes sœurs dans la religion, نتابع دروسنا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous allons poursuivre nos cours de biographie du prophète صلى الله عليه وسلم مع الدرس الأربعين avec le cours numéro 40. أول شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة هو بناء المسجد. La première chose qui a été faite ou effectuée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine était la construction de la mosquée. Banahu fil makan alladhi barakat fihi naqatuh. La mosquée a été construite dans le lieu où sa chamelle s'est accroupie, comme nous l'avons vu la dernière fois. وكان المكان ليتيمين سهل وسهيل. L'endroit où le terrain appartenait à deux orphelins, سهل et سهيل. فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم, le messager de Dieu, prière et salut sur lui, les a convoqués. فساومهما ليتخذه مسجدا. Et il leur a demandé le prix auquel ils voulaient vendre ou ils pouvaient vendre ce terrain afin de construire sur ce terrain une mosquée. فَقَالَ بَلْ نَهَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Ils dirent plutôt on te l'offre au messager de Dieu. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. وَفِي رِوَيَا, dans une autre version, قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا بَنِ النَّجَّارِ. Il dit prière et sage lui, ô Banu Najjar, ô enfant de Najjar, thaminuni ha'itakum hada, u'tuni thaman ala hada al-ha'it ala hadhihi al-ard, yani donnez-moi ou dites-moi un prix pour votre terrain, pour ce terrain. Qalu, ils dirent, la wallahi la natlubu thamanahu illa ila Allah. Ils dirent, par Dieu, on ne demande son prix, on demande son prix uniquement à Allah. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Qala ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim dit, fa'aba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fabta'ahu minhuma, yani min al-yatimayn bi'ashrati dananir. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam rafad an ya'khud al-ard min ghayr muqabil. أدى عشرة دنانير ثمن الأرض أعطاها للأيتام أو لولي الأيتام. Le prophète prière et sage lui a refusé l'offre et a acheté le terrain à un prix égal à 10 dinars qu'il a donné au tuteur de ces deux orphelins. وكان يعني هذا الكلام في زاد المعاد. Ce que je viens de dire se trouve dans le livre Zad al-Ma'ad. وفي ذلك المكان كانت توجد قبور للمشركين. Dans ce terrain, il y avait des tombes d'associateurs, des anciennes tombes d'associateurs, قبور قديمة للمشركين. وكانت فيه خراب. Il y avait aussi des ruines. وكان فيه نخل. Et il y avait des palmiers. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنوبشت. Le prophète صلى الله عليه وسلم a donné ses ordres de déterrer les tombes des associateurs. وبالخرب فسويت. Les ruines, on les a aplaties. Il a donné l'ordre de les aplatir, de les niveler. وبالنخل فقطع. Et il a donné ses ordres de couper les arbres, les palmiers. فصفوا النخل قبل أو قبلة المسجد. Ils ont rangé les arbres ou les palmiers coupés du côté de la qibla du masjid, de la mosquée. وجعلوا ينقلون ذلك الصخر. Et ils ont commencé à porter les pierres. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينقل مع الصحابة اللبن, واللبن هو الحجر, حجر مصنوع من الطين, يعني بحال البريك اللي كاين الآن ولكن مصنوع بالطين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل معهم اللبن. Et le prophète prière et sage lui a commencé à porter lui aussi, c'est-à-dire avec ses amis, les briques de terre ou faites à partir de l'argile. يعني في بنيانه في بناء المسجد, et c'était lors de la construction de la mosquée. ويقول, et il disait, اللهم إن الأجر أجر الآخرة. Ô Seigneur, le salaire de l'au-delà est le vrai salaire. فارحم الأنصار والمهاجرة. Sois miséricordieux envers les muhajirines et vers les ansars. Le vrai salaire est celui de l'au-delà. Sois miséricordieux envers les muhajirines et les ansars. Allahumma inna al-ajra ajru al-akhirah. Farham al-ansara wal-muhajira. Rawah al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari. Wal-muhajiruna wal-ansar ya'maloun wa yaqouloun. Les muhajirines, ceux qui ont s'exilé de la Mecque vers la Médine, qu'on appelle les muhajir ou les muhajirin, et les ansars, les gens de Médine qui ont soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ansars, les deux, les muhajirin et les ansars, travaillaient, œuvraient, kanu ya'maloun wa yaqouloun, et ils répétaient Allahumma ou yaqouloun la in qa'adna wa an-nabiy ya'mal la dhalika minna al-'amal al-mudallal. نحن نجلس والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل هذا من طرفنا عمل مضلل. ما يمكن أن النبي يعمل ونحن نجلس. لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. Les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم, qu'ils soient muhajirin ou ansar, répétaient dans le cas où on se repose et le prophète est en train de travailler, ça serait de notre part une œuvre égarée. Rawahu Ibn Ishaq, rapporté par Ibn Ishaq. Takhayyalu as-sahaba ya'maluna fi bina'i al-masjid walakin bi farha. Imaginez avec moi les compagnons qui travaillaient, c'est-à-dire qui construisaient la mosquée, mais avec joie. C'était pas en pleurant ou c'était une corvée, non, c'était une joie. Qa'ilin, en disant la in qa'adna wa an-nabiy ya'mal la dhalika minna al-'amal al-mudallal. Il répétait si on se repose et le prophète est en train de travailler, ça serait de notre part une erreur ou une œuvre égarée. Wa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ya'mal ma'hum, le prophète à côté d'eux en train de travailler lui aussi avec joie. Bi farha wa yujib, et il leur donnait une réponse, Allahumma innal ajra ajrul akhirah. Ô Seigneur, le vrai salaire est celui qui se trouve dans l'au-delà. Farhamil ansara wal muhajira, sois miséricordieux envers les deux, c'est-à-dire les ansars et les muhajirin. Farhat kanat hadhihi farhat bina al masjid, c'était là la joie de la construction de la mosquée. Nabiyun umuruhu 53 sana, un prophète qui a atteint l'âge de 53 ans, لم يسترح بعد من تعب السفر, il ne s'est même pas reposé de la fatigue du long voyage, 500 kilomètres. وقبل ايام بنى مسجد قباء, quelques jours auparavant il a construit la mosquée de Quba. وها هو الآن يشارك مع أصحابه في بناء المسجد المدني أو النبوي. Et le voici maintenant en train de participer à côté de ses amis dans la construction de la mosquée de Médine. كان بإمكانه أن يستريح. Il lui était possible de se reposer. ويقول لهم اعملوا أنتم. Il était possible pour lui de dire à tous ses compagnons, vous allez faire, vous allez construire. ويأتي في يومين فقط. Il lui était possible de venir uniquement dans deux jours. يوم وضع الحجر الأساسي, le jour de la pose de la première pierre. ويوم التدشين, et le jour de l'inauguration. Et ça s'arrête là. كان بإمكانه أن يأخذ عطلة شهر راحة. Il lui était possible de prendre, de demander un congé de repos d'un mois. بعد الهجرة, après ce qu'il a vu comme souffrance pendant ce long voyage de l'Égypte. Là, non. من أول يوم يصل, depuis le premier jour où il arrive, يبدأ البناء, il démarre la, les œuvres ou la construction de la mosquée de Médine. يشارك في البناء, il participe aux travaux de la construction. يحمل صلى الله عليه وسلم الأحجار تحت الغبار مع أصحابه, il portait les pierres, les briques sous la poussière à côté de ses amis. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم. Tel est Muhammad. Prière et saillie sur lui. النبي المتواضع, le prophète modeste. رسول الإسلام, دين العمل, le messager de l'islam, religion du travail. يشجع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا لهم, le prophète prière et saillie encourageait ses amis en leur disant, من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. متفق عليه, البخاري ومسلم. Celui qui construit une mosquée uniquement pour Dieu, c'est-à-dire pour satisfaire Allah, Dieu lui construit une maison dans le paradis unanimement authentique. رواه البخاري ومسلم. بمعنى أنك لما تشارك, لما تعطي المال, لما تبني بيت مسجد لله, في المقابل أنت تبني بيتا لنفسك في الجنة. C'est-à-dire lorsque tu participes, soit par ton corps, physiquement ou financièrement, par ton argent, à l'édification d'une mosquée, ça veut dire tu participes pour te construire à toi une maison, mais dans le paradis. ويشجع صلى الله عليه وسلم أصحابه قائلا, il encourageait ses compagnons par ses paroles, سبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Sept seront à l'ombre de Dieu le jour où il n'y aurait aucune ombre à part la sienne. ذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. Et il a cité parmi les sept un homme dont le cœur est attaché ou accroché aux mosquées. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. رجل يحمل هم المسجد من بنائه وإدارته وتنظيفه وإلى غير ذلك. Un homme ou une femme qui porte le souci de la mosquée dans son cœur, sa construction, sa gestion, son nettoyage, etc. أتذكرون, est-ce que vous vous rappelez toujours, 23 سنة قبل اليوم, 23 ans avant aujourd'hui, كان صلى الله عليه وسلم يشارك في إعادة بناء الكعبة. Le prophète prière et saillie participait à la reconstruction de la Kaaba, في مكة, dans la Mecque, 23 ans avant. ويحمل الأحجار مع عمه. Il portait de la même manière, on l'a dit, il portait les pierres lourdes à côté de son oncle Al-Abbas. مع عمه العباس رضي الله عنه. وعمره 30 سنة. Mais il était jeune à l'époque. Il avait 30 ans. وذلك قبل الإسلام وقبل الرسالة. Ceci a eu lieu avant l'islam, avant de recevoir le message. ووضع بيديه الحجر الأسود في مكانه. Et avec ses propres mains, avec ses mains chérifiennes nobles, il a placé, tout le monde l'a accepté pour qu'il place la pierre noble, la pierre noire, la pierre sacrée à sa place dans la Kaaba. شارك صلى الله عليه وسلم في إعادة بناء الكعبة. Il a participé prière et sa dans la reconstruction de la Kaaba. وفي الإسلام شارك في بناء مسجد قباء. Mais ça c'était avant l'islam و avant l'immigration, يعني قبل الهجرة. وفي الإسلام بعد الهجرة et en islam après l'immigration, شارك في بناء مسجد قباء. Il a participé à la construction de la mosquée de قباء. وشارك في مسجد في بناء مسجد المدينة. Et il a participé à la construction de la mosquée de Médine. والآن يعني بنى ثلاث مساجد. Il a participé à la construction de trois grandes mosquées. والآن أتساءل كيف وأنت يا أخي كم مسجد بنيت لله تعالى وتبارك. Et toi mon frère ou ma sœur, combien de mosquées tu as construit ou tu as participé dans la construction de ces mosquées pour Dieu subhanahu wa ta'ala. والآن أتساءل كيف كان مسجده. Et maintenant je me pose la question, comment était sa mosquée. الجواب, la réponse, مبني باللبن, construite avec des briques de terre. وسقفه الجريد, son toit ou son plafond était fait de feuilles de palmier. يعني من ورق النخل. من ورق الجريد يعني ورق النخل أوراق يعني توضع هكذا فوق السقف ورق النخل. وعموده جذوع النخل خشب النخل. Et les piliers de la mosquée qui soutenaient le toit ou le plafond étaient faits de troncs de palmier. رواه البخاري, rapporté par l'imam البخاري. طوله من القبلة إلى مؤخره 100 ذراع. Sa longueur de la Qibla jusqu'au fond de la mosquée, jusqu'à l'arrière de la mosquée, à peu près 100 coudées. والجانبين مثل ذلك أو دونه. Et les deux autres côtés étaient leur longueur ou la largeur ressemblait à la longueur ou un peu ou était inférieure. Un petit peu. يعني مساحته تقريبا 2500 متر مربع. Ça veut dire on peut dire que la surface, la superficie de la mosquée était voisine approximativement à 2500 mètres carrés. يعني يحمل قرابة 5000 مصلي. Ça veut dire pouvait prendre approximativement jusqu'à 5000 prieur, wallahu a'lam. Wa qiblatuhu kanat ila bayt al-Maqdis. Et sa qibla était dirigée vers la mosquée extrême de Jérusalem, c'est-à-dire vers le nord, il est shamal, vers le nord. Wa lahu thalathat abwab. La mosquée avait trois portes. Bab fi mu'akhkharihi, donc une porte à l'arrière de la mosquée. بمعنى الجنوب, ça veut dire au sud de la mosquée. وباب يقال له باب الرحمة, une porte qui s'appelait la porte de miséricorde ou de clémence. والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم, et la porte par laquelle entrait le messager de Dieu, prière et salut sur lui. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن وسقفها بالجريد والجذوع. Et juste à côté de la mosquée, il a construit les chambres de ses femmes. Et il les a couverts. Bon, il les a construits. Les murs étaient faits par des briques de terre, comme ce qu'on a dit, labin. Et la couverture, le toit était fait par les feuilles de palmiers et les troncs de palmiers. Zad al-Ma'ad, toujours Zad al-Ma'ad de Ibn al-Qayyim. وبعد تكامل الحجرات انتقل إليها صلى الله عليه وسلم من بيت أبي أيوب. À la fin des travaux des chambres, le prophète صلى الله عليه وسلم a déménagé de la maison de Abu Ayyub al-Ansari. Que Dieu soit satisfait de lui. الرحيق المختوم, يعني هذا موجود في كتاب الرحيق المختوم. وكانت أرض المسجد مفروشة هل كانت أرض المسجد مفروشة بالزرابي؟ Est-ce que le sol de la mosquée du prophète sallam était revêtu par des tapis comme nous? La non. كان مفروشا بالرمال والحصباء التراب مباشرة. Le sol était recouvert ou revêtu par le sable et les petits cailloux, les petites pierres. الحجارة الصغيرة الحصباء هي الحجارة الصغيرة. يعني الرمال والتراب والحجارة الصغيرة هذا الشيء الذي كان يغطي سطح مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي وقت المطر lorsqu'il y avait la pluie يمتلئ المسجد بالطين. La mosquée se remplissait de la boue. لأن ما في سقف. Il n'y avait pas un, comment dire, un plafond bétonné. C'était des feuilles de palmier. Donc la pluie pénétrait au sol ou à la mosquée. فيسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait sur l'eau et sur la boue. فَيَبْقَى أَثَرُ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ وَلِحْيَتِهِ. Et les traces de la boue restaient sur son front et sur sa barbe sallallahu alayhi wa sallam. Que les prières de Dieu soient pour lui. هذا مذكور في كتاب حياة الصحابة. Ceci a été cité par l'auteur du livre qui s'appelle « La vie des compagnons ». هو الفرق بين مساجدنا ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Telle est la différence entre nos mosquées à nous et la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم. نحن في العالم الإسلامي, nous dans le monde musulman, أعطينا قيمة للمظاهر وللحيطان. Nous avons accordé une grande importance, une grande valeur au mur et à l'aspect, à la décoration. Masajiduna sarat kal matahif. Nos mosquées sont devenues comme des musées. رغم أن العلماء كرهوا النقش نقش وتزويق المساجد. Malgré que les savants ont déconseillé, ont détesté la décoration par la gravure ou la sculpture ou l'écriture ou bien toutes sortes de décorations des mosquées. Al-Malikiyya, les Malikites, Al-Shafi'iyya, les Shafi'ites, Al-Hanabila, les Hanbalites, wa khalaf al-Ahnaf. Et seulement les Hanafites ont dit autre chose. Qalu yukrahu naqshu al-mihrab. Les Hanafites ont dit, les déconseillés de décorer le mihrab, wa ha'it al-qibla, et tout le mur de la qibla. Wa yajuzu indahum naqshu saqf wa baqi al-judran. Et chez les Hanafites qui ont autorisé, les seuls qui ont autorisé, ils ont dit, il est permis de décorer le plafond et les autres murs, c'est-à-dire les trois autres murs, mais le mur de la Qibla, pour eux, c'est déconseillé ou détesté. Amma Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam a'ta qima li quloubi rijal. Le prophète, prière et sagesse, a donné une grande importance, une grande valeur au cœur des gens. Tahara quloubi rijal. Il a purifié les cœurs des hommes. Zayyana quloubi rijal bit taqwa. Il a orné, il a embelli, il a décoré les cœurs des hommes par la piété. قال الإمام الغزالي رحمه الله. L'imam الغزالي, que Dieu l'englobe par sa miséricorde, dit « لكن الناس لما أعياها بناء النفوس » Les gens, lorsqu'ils étaient fatigués dans la construction des personnes, des hommes, ils n'ont pas pu, ils ont essayé mais avec fatigue, sans résultat, ils n'ont pas pu construire les personnes, les hommes, ala al-akhlaq, les façonner, les construire, les former à avoir les morales nobles, la haute morale. استعاضوا عن ذلك ببناء المساجد السامقة والجميلة. Et ils ont remplacé cela, ils se sont dirigés alors vers la construction de très belles mosquées. لما أعيان بناء النفوس على الأخلاق الجليلة، استعضنا على ذلك ببناء المساجد الجميلة تضم مصلين أقزاما. دي بيل موسكي il dit qui contient ou dans lesquelles se trouvent des prieurs nains, des hautes mosquées mais des prieurs nains. أما الأسلاف يعني المساجد عملاقة والمصلون أقزاما، أما الأسلاف فقد انصرفوا عن زخرفة المساجد وتشييدها إلى تزكية أنفسهم وتقويمها. Il dit nos ancêtres plutôt ils se sont au lieu de faire la décoration des mosquées ils se sont dirigés vers la purification de leur âme ou de leur personne et à sa correction. فكانوا أمثلة صحيحة للإسلام et ils furent de vrais exemples, de vrais exemples pour l'islam. Kitab Fiqh al-Sira, ce passage se trouve dans le livre Fiqh al-Sira de l'imam al-Ghazali rahmatullahi alayh. ورغم أن مسجد يعني هناك علاقة, il y a une relation entre la beauté des mosquées et la qualité des hommes. Cette relation, c'est une relation où on peut dire que les deux sont inversement proportionnels. Plus les mosquées sont hautes et belles, plus les hommes sont des nains. Et plus les hommes sont des grands, sont des forts, sont des savants, sont des sincères, etc., plus les mosquées deviennent simples et modestes. ورغم أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواضعا وبسيطا, malgré que la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم était modeste, était simple, كان هذا المسجد عظيما عند الله, cette mosquée était énorme auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et sage lui dit, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. On ne peut faire un voyage, on organise des voyages que vers trois mosquées. مسجدي هذا, ma mosquée, celle-ci, ومسجد الحرام, et la mosquée sacrée, ومسجد الأقصى, حرره الله, et la mosquée extrême, ou la mosquée d'Al-Aqsa qui se trouve à Jérusalem, que Dieu la libère. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il dit prière et salut sur lui, ma bayna bayti, yani qabri, lan al bayt tabahu wa dufina fihi sallallahu alayhi wa sallam, yani nchoufou al qabr al'an, ma bayna qabri ou ma bayna bayti wa minbari, al minbar, makan al minbar alladhi kana yas'adu alayhi sallallahu alayhi wa sallam, huwa mujawir lil qabr fi al masjid an nabawi, entre ma chambre, ça veut dire entre ma tombe, parce qu'il est enterré sallallahu alayhi wa sallam dans sa propre chambre, entre ma tombe où se trouve la tombe aujourd'hui et entre mon mimbar, et le mimbar se trouve à quelques mètres de la tombe, se trouve raudatun min riyadil jannah, un parc parmi les parcs du paradis, wa mimbari ala hawdi, et mon mimbar se trouve au-dessus de mon bassin. Ma'na al-kawthar, hawd al-kawthar, ça veut dire mon bassin qui s'appelle al-kawthar. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. Al-Bukhari et Muslim. Al-ibada fi hadha al-makan ma bayna al-qabr wa ma bayna al-mimbar tousil ila riyad al-jannah, ça veut dire l'adoration dans ce petit périmètre, dans ce lieu qui se trouve entre la tombe et le mimbar, mène vers les parcs du paradis et mène vers le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa tousil ila hawd rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wa qala alayhi salatu wa salam, il dit prière et salut sur lui, salatun fi masjidi, hada al masjid al yani al mutawadi' al basit fi dhalika al zaman, salatun fi masjidi hada afdalu min alf salat, فيما سواه إلا المسجد الحرام. متفق عليه البخاري ومسلم. Il dit que une prière dans ma mosquée est meilleure que mille autres prières dans les autres mosquées à part la mosquée sacrée de la Mecque. Unanimement authentique. أما المسجد الحرام فصلاة فيه أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. Mais la mosquée sacrée de la Mecque, une prière dans cette mosquée vaut mieux que 100,000 prières dans les autres mosquées. رواه ابن ماجه, rapporté par ابن ماجه. وأما الصلاة في المسجد الأقصى فبخمسمائة صلاة. Et la prière dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem est meilleure que 500 prières dans les autres mosquées. رواه الإمام البيهقي, rapporté par l'imam البيهقي. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل هذه المساجد. Et le prophète prière et sa journée a fait ses prières dans toutes ces mosquées citées. Al-Masjid Al-Haram, la mosquée sacrée, Bimakka, dans la Mecque. Al-Masjid Al-Aqsa, ليلة الإسراء والمعراج. Il a prié aussi dans la mosquée extrême ou la mosquée Aqsa, du Aqsa, qui se trouve à Jérusalem, et c'était pendant la nuit du voyage nocturne et l'ascension. ومسجده بالمدينة عشر سنوات وهو يصلي فيه. Et dans sa mosquée à Médine, il a prié pendant 10 ans. ومسجد قباء كان يصلي كل سبت. Et dans la mosquée de Quba, il faisait les prières chaque samedi. قال العلماء أفضل المساجد المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم مسجد الأقصى. Les savants disent que les meilleures mosquées dans le monde sont dans l'ordre la mosquée de la Mecque suivie par la mosquée de Médine suivie par la mosquée de Jérusalem. وخالف الإمام مالك, l'imam Malik a eu une divergence avec les savants en ce point. قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مسجد مكة وأفضل من كل المساجد. L'imam Malik dit que la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم, la mosquée au sein de laquelle est enterré le prophète صلى الله عليه وسلم, qui contient son corps chérifien, dépasse toutes les autres mosquées, même la mosquée de la Mecque. والله أعلم. Et Dieu est l'unique et seul sachant. وفي هذا المسجد المتواضع البسيط, dans cette mosquée modeste, simple, رأى الصحابة رضوان الله عليهم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. Les compagnons ont vu les miracles accomplis par le prophète صلى الله عليه وسلم. اختاروا منها واحدة. Je choisis parmi ces miracles un seul. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر, au début, le prophète prière et sagerie, كان إذا خطب يقوم إلى جذع من جذوع المسجد. Lorsqu'il faisait le discours du vendredi, il s'appuyait sur ou contre un pilier, c'est-à-dire un tronc de palmier qui était dans la mosquée. فلما صنع المنبر, lorsqu'on lui a fabriqué le minbar, وصعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم, et le messager de Dieu, prière et sagerie, est monté sur al-minbar pour assurer le discours du vendredi. سمع الصحابة رضوان الله عليهم, tous les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux, ont entendu. لذلك الجذع صوتا كصوت العشار كصوت الناقات. Ils ont entendu un cri venant du tronc de palmier qui ressemblait au cri des chamelles. حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجذع, jusqu'au point que le messager de Dieu, prière et sagerie, est venu vers le tronc. ووضع يده عليه, et il a posé sa main dessus. فسكت, et il s'est calmé, il a arrêté ses cris. La ilaha illallah wa sallallahu wa sallama ala maulana rasulillah. Et que Dieu accorde ses prières et ses salutations à notre maître Muhammad, le messager de Dieu. Wa fi riwaya sahat an-nakhla siyah as-sabi. Dans une autre version, le palmier ou le tronc de palmier a crié comme un enfant qui criait. رواه البخاري, rapporté par البخاري والنسائي والترمذي وأحمد وغيرهم عن كثير من الصحابة. tous ces rapporteurs ont rapporté ces faits sur un grand nombre de compagnons. Hadith mutawatir. C'est un hadith mutawatir. Bima'na al-khashaba ahabbat Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, je résume l'histoire, le tronc de palmier, le bois, ce bois-là a aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a darajat al-buka li firaqihi, jusqu'au point de pleurer devant la séparation avec le messager de Dieu, prière et sorgie. Fama baluka biman yarju shafa'ata, que dire de ce que celui qui espère l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa faveur. Kayfa yajib an yakuna hubbuhu lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa buka'uhu alayhi, comment doit-il aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment doit-il pleurer pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da bina'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam lil masjid, après l'achèvement des travaux de la construction de la mosquée, bada'a yabni ar-rijal bada'a sallallahu alayhi wa sallam yabni ar-rijal fi al-masjid bil madina. Une fois il a fini la construction de la mosquée, il a commencé maintenant à construire, entre guillemets, à construire les hommes à l'intérieur de la mosquée de Médine, à former, à préparer les hommes. Kama kana yabni ar-rijal fi Makkah fi dar al-Arqam. Si vous vous rappelez exactement comme il formait ou construisait les hommes dans la maison de l'Arqam, dans la Mecque. Ha'oula'i rijal, alladhina qamu bil hijra min ba'du, tarikina ahlihim wa amwalahum wa awtanahum. Ces hommes qui, par la suite, après, avec l'égir, ils ont quitté leurs proches, leur fortune et leur patrie. Bifadlil bina fi dar al-Arqam, et c'était grâce à la construction, à la formation reçue dans la maison de al-Arqam. Wal'an fi masjid al-Madina, maintenant dans la mosquée de Médine, sayabni rijalan, il va former ou il va construire des hommes, min al-muhajirin wal-ansar, parmi les muhajirin et parmi les ansar, humul ladina sayanshurun al-islam fi al-alam, et ce sont ces hommes qui vont porter l'islam dans vers tout le monde, et qui vont guider, qui vont gouverner, qui vont diriger le monde. Qadatul alam takawwanu bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fawqa rimali wa turab masjid al-madina. Les dirigeants du monde se sont formés entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le sable et le sol et la terre de la mosquée de Médine. أقول بناء المساجد شيء جد سهل أمام بناء الرجال. Je dis, mes frères et mes sœurs, la construction des maisons est une chose très facile devant la construction des hommes. ولكن إذا كان الذي يبني مسجدا لله له بيت في الجنة. Mais je fais cette remarque, si celui qui construit une maison pour Dieu a le salaire, une mosquée pour Dieu a le salaire d'une maison dans le paradis, فَمَا بَالُكَ بِأَجْرِ مَنْ يَبْنِ الرِّجَالَ لِلَّهِ فِي الْمَسْجِدِ. Que dire du salaire de celui qui forme ou qui construit des hommes pour Dieu au sein de la mosquée. مُصِيبَةُ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمِ أَنَّهُمْ يَبْنُونَ الْمَسَاجِدِ. Le malheur des musulmans d'aujourd'hui, c'est qu'ils construisent des mosquées, وَلَكِنْ لَا يَهُمُّهُمْ بِنَاءُ الرجال. Mais ils ne s'intéressent pas à la construction des hommes. تدخل يوم الجمعة إلى المسجد الكبير الجميل. Tu entres le jour d'un vendredi dans une grande et belle mosquée. المملوء بالناس, plein de gens. ويصعد إمام ينومك بعد عشر دقائق. Et un imam monte au mimbar qui te fait dormir 10 minutes par la suite. بنينا المساجد لتنويم الناس. Nous avons construit des mosquées pour endormir les gens. إِذَا أَرَدْنَا بِنَاءَ الرِّجَالِ الْيَوْمِ فَلَا بُدَّ أَن نَبْدَأَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Si on veut vraiment aujourd'hui construire, former des hommes, des vrais hommes, nous devons commencer là ou par là où a commencé le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. At-takwin al-mustamir, la formation continue. La budda min i'adat l'i'tibar lil imam al-murabbi, nous devons redonner ou faire la reconsidération de l'imam éducateur. La budda min fath al-majal amam al-a'imma al-akfa, il est nécessaire, il est obligatoire d'ouvrir le champ des mosquées devant les imams compétents. لتعليم الناس دينهم من غير تسيب ولا تشدد, afin qu'il forme, afin qu'il enseigne aux gens leur religion sans relâchement, sans perdre l'islam et sans endurcissement. المسجد من غير إمام مرب ومعلم مسجد ناقص, la mosquée, la belle, la grande, la haute mosquée, qui n'a pas au sein d'elle un imam éducateur, enseignant, est une mosquée incomplète. Dans cette mosquée va habiter l'ignorance, ou l'ignorance va habiter cette mosquée et va faire sortir d'elle l'extrémisme. Hubbuddin min taraf al-shabab, l'amour de la religion de la part des jeunes, za'id al-jahl bid-din, plus l'ignorance dans la religion, tout ça oui est égal à at-tatarruf, est égal à l'extrémisme. Ayouh al-ikhwa, mes frères et mes sœurs, bi Faransa buniyat al-masajid, en France des mosquées ont été construites. Walhamdulillah, et que la louange soit à Dieu. Wa nas'alullah an yujazi khayra al-jaza' man banaha, et on demande à Dieu de bien récompenser ceux qui ont participé à la construction de ces mosquées. ولكن أين هم الأئمة الأكفاء؟ Mais où sont-ils les imams compétents؟ الذين يعلمون دين الله بالفرنسية, qui enseignent la religion de Dieu en français. يعرفون علوم الدين, qui connaissent les sciences de la religion. وواقع البلاد وتاريخه, et qui connaissent pas seulement l'islam, mais qui connaissent la réalité du pays, de la France et son histoire. ويفهمون عقلية الشباب, et qui comprennent la mentalité des jeunes. أينهم هؤلاء الأئمة الأكفاء, où sont-ils ces imams compétents؟ الجواب جد قليل, la réponse sont très peu nombreux. أيها الإخوة والأخوات, mes frères et mes sœurs, لقد أفرغنا المسجد من دوره, nous avons vidé la mosquée de son contenu, de son rôle, ومن رسالته, et de son message. المساجد صارت فارغة ومسدودة, les mosquées sont devenues vides et fermées. تفتح خمس مرات في اليوم فقط, qui s'ouvre uniquement à 5 reprises par jour. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا دائما, la mosquée des messagers de Dieu, prière et sagerie, était ouverte toujours. كان المسجد مركز الحياة, la mosquée était pour eux le centre de la vie. كان مكان عبادة, était un lieu d'adoration, صلاه وذكر واعتكاف, un lieu de prière, d'évocation et de retraite spirituelle. ومكان تعليم, la mosquée était un lieu d'enseignement, d'apprentissage, d'éducation. كان مدرسة, elle était une école. كان جامعة, elle était une université ou une faculté. وكان برلمانا فيه تجري أو تجرى مجالس الشورى, et c'était, la mosquée était un parlement à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم, dans laquelle avaient lieu les assemblées de consultation. بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته, les assemblées de consultation entre le prophète, prière et ses amis. وكان محكمة, la mosquée était un tribunal. فيه يقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس, un tribunal dans lequel le prophète صلى الله عليه وسلم donnait ses jugements entre les plaignants, entre les gens. وكان مكان استقبال, la mosquée était un lieu de réception. فيه يستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوفود القادمة من الخارج, الوفود الهيئات الدبلوماسية, الوفود الآتية من الخارج, le prophète dans la mosquée rencontrer les délégations venant de l'extérieur, les délégations diplomatiques venant de l'extérieur. وَكَانَ مَكَانَ إِقَامَ La mosquée était un lieu de résidence. فِي مُؤَخَّرِهِ يَنَامُ أَهْلُ الصُّفَّةِ À la fin, ou bien au fond de la mosquée du prophète, dormaient les gens de la souffa. أَهْلُ الصُّفَّةِ هُمْ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ Les SDF, parmi les musulmans, qui n'avaient pas un lieu. كَانُوا يَنَامُونَ فِي الْمَسْجِدِ Ils dormaient dans la mosquée, ils passaient chaque nuit dans la mosquée. وَكَانَ يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَابِرِ السَّبِيلِ Les gens de passage qui voyageaient et qui arrivaient à Médine et qui n'avaient pas un lieu, ils dormaient dans la mosquée. وَكَانَ مَكَانَ تَرْفِيهِ La mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam était un lieu de distraction. Et je l'ai dit haut et fort. La mosquée était un lieu de distraction. كَانَ مَكَانَ تَرْفِيهِ فِي الْمَسْجِدِ تَتِمُّ الْأَلْعَابِ Dans la mosquée, il y avait l'organisation de jeux et de compétition. قَالَتْ أُمُّنَا فِي الْمَسْجِدِ Au sein de la mosquée, قالت أمنا عائشة رضي الله عنها notre mère عائشة que Dieu soit satisfait d'elle dit رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما على باب حجرتي un jour j'ai vu le messager de Dieu prier et s'assoit dans la porte ou au milieu de la porte de ma chambre والحبشة يلعبون في المسجد et les Abyssins jouaient à l'intérieur de la mosquée ils jouaient à l'intérieur de la mosquée. Wa Rasulullah yasturuni biridaihi. Le messager de Dieu, par la suite, il me cachait derrière son manteau. Anduru ila la'ibihim. Et moi, je voyais leur jeu. Où ça? Dans un théâtre. Le théâtre était la mosquée. Rawa al-Bukhari. Rapporté par l'imam al-Bukhari. وفي رواية dans une version والحبشة يلعبون بحرابهم et les Abyssins jouaient avec leurs lances رواه البخاري rapporté par l'imam البخاري لو فعلنا هذا اليوم في المسجد لاتهمنا بعض الناس بالضلال وبالكفر si on fait la même chose aujourd'hui dans cette mosquée ou dans n'importe quelle mosquée quelques gens vont nous accuser par l'égarement ou par même la mécréance نلعب في المسجد on joue dans la mosquée كفر مكريونس ونعود إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم et on revient vers la mosquée du prophète صلى الله عليه وسلم بدأ المسلمون يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس les musulmans ont commencé à faire les cinq prières quotidiennes derrière le prophète صلى الله عليه وسلم dans la mosquée de Médine ولكن كيف يعرفون دخول الوقت mais comment vont-ils faire pour connaître l'heure de la prière Chacun a son travail, chacun a ses soucis. Comment il va se réveiller de ses soucis pour dire que l'heure de la prière est arrivée? Et c'est nouveau. هذا شيء جديد. قال ابن إسحاق. Ibn Ishaq nous raconte cette histoire. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوقا. Au début, le prophète prière et sa souris a eu l'idée ou voulait utiliser une corne, un avertisseur sonore. كبوق اليهود comme celui des juifs ثم كرهه et après il l'a détesté il a dit non ثم امر بالناقوس et par la suite il a dit de fabriquer une cloche يعني كالنصارى comme les chrétiens فراى انصاري في المنام رؤيا وانصاري هو عبد الله ابن زيد رضي الله عنه un ansarien a vu dans un rêve nocturne, et l'ansarien était Abdullah, fils de Zayd. فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ Il est venu vers le messager de Dieu pour lui dire, يَا رَسُولَ اللَّهِ Ô messager de Dieu, إِنَّهُ طَافَ بِي فِي هَذِهِ اللَّيْلَ طَائِفِ Quelqu'un est venu vers moi pendant cette nuit pour me dire, ou est passé devant moi, مَرَّ بِي رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ L'homme qui est passé devant moi portait deux habits verts, et porter une cloche à sa main ou dans sa main. فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتُبِعُ هَذَا النَّقُوشِ Je lui ai dit, ô serviteur de Dieu, ô Abdullah, vends-tu cette cloche est-ce que tu veux la vendre فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ Et qu'est-ce que tu veux en faire قَالَ نَدْعُ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ On va l'utiliser pour appeler les gens à faire la prière. قَالَ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِّن ذَلِكَ L'homme habillé avec deux habits verts lui dit Veux-tu que je t'informe ou je t'indique mieux que ça, mieux que la cloche? قُلْتُ وَمَا هُمْ Je lui dis, et il s'agit de quoi? فَعَلَّمَهُ الْأَذَانِ Il lui a appris الأذان, l'appel, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dieu est très grand. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ J'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Allah. Deux fois, مَرَّتَيْنِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ J'atteste que Muhammad est le messager de Dieu deux fois, il a akhiré, etc. فَلَمَّا أَخْبَرَ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Lorsqu'il a informé de ce rêve le messager de Dieu, prière et s'assouit, قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَلَمَ Le prophète dit prière et s'assouit, إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٍّ إِنْشَاءَ Il s'agit d'une vision véridique, si Dieu le veut. فَقُمْ Lève-toi, مَعَ بِلَال Avec Bilal, فَأَلْقِهَا عليه et apprends-lui ce que tu as vu. فليؤذن بها et qu'il appelle les gens à la prière grâce à ça. فإنه أندى منك صوتا parce qu'il a une voix plus haute que toi. C'est pas toi Abdullah fils de Zayd qui va faire al-adhan, mais c'est Bilal. On donne la responsabilité à celui qui la mérite. On ne donne pas la responsabilité à mon proche. فَلَمَّا أَدَّنَ بِهَا بِلَال سَمِعَهُ عُمَرْ إِبْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ Lorsque Bilal a appelé les gens pendant la nuit, la prière de l'aube, vers la prière, Omar, fils de l'Khattab, l'a entendu de sa maison, de chez lui, وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ Il est sorti rapidement vers le messager de Dieu en traînant son manteau. Il n'avait même pas le temps de porter son manteau correctement. وَهُوَ يَقُولُ يَا نَبِيَ اللَّهِ Il disait, ô messager de Dieu, وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِي رَأَى Ô messager de Dieu, par celui qui t'a envoyé par la vérité, j'ai vu le même rêve que ce qu'il a vu. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدِ Et le messager de Dieu a dit que Dieu soit loué. رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَأَبُو دَاوُدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِي Ce hadith a été rapporté par Tirmidhi, par Abu Daoud, par Ibn Majah, Ibn Khuzayma, et Tirmidhi l'a authentifié. وَفِي رِوَايَةَ أَنَّ الْوَحْيَ جَاءَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ رُؤْيَةِ الْمَنَامِ Dans une version, on nous dit que le prophète sallam a reçu une révélation contenant l'appel ou les mots de l'appel à la prière avant même que les deux regardaient leur vision. Rawahu Ibn Hisham, rapporté par Ibn Hisham. بمعنى أن الوحي أقر رؤية عبد الله وعمر. Ça veut dire la révélation a approuvé la vision faite par Abdullah et par Omar. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. Bilal رضي الله عنه الذي كان ينادي في مكة تحت العذاب أحد أحد ورفض الكفر Bilal qui criait dans les rues et dans le désert de la Mecque sous le châtiment, l'emprise du châtiment unique, unique, et il a refusé la mécréance. هو الذي اختاره رسول الله ليكون منادي الإسلام في المدينة C'était lui qui a été sélectionné ou choisi par le messager de Dieu pour qu'il soit l'appeleur de l'islam à Médine. قال النبي صلى الله عليه وسلم Le prophète prière et ça se lui dit المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة Les appeleurs ou les muazzins seront les plus longs coups le jour ou les plus hauts coups le jour de la résurrection. Rawahu Muslim ou Ahmad, rapporté par l'imam Muslim ou Ahmad. طول العنق, la longueur du cou, يعني طول القامة, signifie chez les Arabes la grande taille. وهذا يفيد علو الشأن على سائر الناس, et ceci signifie une grande valeur le jour de la résurrection par rapport à tous les gens. وعلو الشرف et la haute noblesse ou le grand honneur. وقال صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته Dieu pardonne les péchés du muazzin selon l'étendue de sa voix, là où arrive sa voix. ويشهد له كل رطب ويابس et toute chose douce ou sèche témoignera pour lui. Abu Daoud wa An-Nasa'i, rapporté par l'imam Abu Daoud et An-Nasa'i, wa fi riwayah wa lahu mithlu ajri man salla ma'ahu, et aura le même salaire que tous ceux qui ont fait la prière avec lui. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit prière et sa man qala hina yasma'u an-nida', celui qui dit lorsqu'il entend l'appel اللهم رب هذه الدعوة التامة au Seigneur de cet appel complet والصلاة القائمة et cette prière accomplie آتي محمدا الوسيلة والفضيلة accorde à محمد les moyens et la vertu وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته et accorde-lui aussi ou donne-lui la place louable que tu lui as promise. حلت له شفاعتي يوم القيامة aura certainement mon intercession en sa faveur le jour de la résurrection. رواه البخاري والترمذي rapporté par l'imam البخاري et par الترمذي. فرأينا اليوم الخطوة الأولى التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد وصوله إلى المدينة. Aujourd'hui nous avons vu le premier pas accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement après son arrivée à Médine, وهي بناء المسجد, qui était la construction de la mosquée. فما هي الخطوة الثانية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بناء المسجد؟ quel a été le deuxième pas accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam juste après la construction de la mosquée? هذا ما نراه إن شاء الله في الحصة القادمة. C'est ce qu'on va voir إن شاء الله dans la prochaine séance. Allahumma inni da'in fa'aminu. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa al-tuqa wa al-afafa wa al-ghina wa al-afu wa al-afiyah fi al-dini wa al-dunya wa al-akhirah. Allahumma inna nas'aluka fi hada al-yawm kama jama'tana hawla sirati nabiyyik. Allahumma jma'na hawla hawdihi ghadan yawm al-qiyama. Allahumma kama ja'altana nastami'u ila siratih. Allahumma ja'alna nattabi'u sunnata fi hayatina برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في الأخير بلغ صلاتنا وسلامنا واحدا واحدا واحدة واحدة إلى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tu rappelles le...